Chapitre 2. Siège anglais. État de la France. Charles VI. Le traité de Troyes. Robert Jolivet. Sa désertion. Jean VIII d'Harcourt, comte d'Aumale, nommé capitaine-lieutenant par le Dauphin. Le combat de la Broussinière. Investissement du Mont par terre et par mer. Combat d'Ardevon. Briand de Châteaubriand. Combat naval. Louis d'Estouteville. Le désastre de la Guintre. Le champ d'armes. 1. Dieu frappait, frappait et frappait. Nous franchissons ici le seuil sombre de la taverne historique, presque aussi révoltante à l'esprit et au cœur que le mauvais lieu de 93, et destitué par surcroît de cette vertu militaire que nos soldats, restés lions, gardèrent au milieu même des hyènes et des chacals, sous la terreur. Dieu frappait. Le crime était l'aveugle et atroce châtiment du crime. Le roi fou semblait garder dans un coin de son cerveau malade la dernière lueur de raison qui fut en France, car on dit qu'il pleurait. Je me souviens d'avoir vu dans ma jeunesse une pièce de théâtre populaire où ce misérable roi grelottait, tout seul, dans son Louvre. Au dehors, les foules clamaient, et leurs cris séditieux traversaient le silence. Les uns disaient « Armagnac, Armagnac », les autres répondaient « Bourgogne, Bourgogne ». Et le roi répétait comme un plaintif écho, dans la nuit de sa pensée, « Armagnac, Armagnac, Bourgogne, Bourgogne ». C'était navrant, car ces deux factions, Armagnac et Bourgogne, vendaient tour à tour la patrie aux Anglais. Mais voici ce qui serrait le cœur encore davantage. À un moment, le roi se levait et, tendant vers le ciel ses mains tremblantes, il demandait à Dieu tout bas comme un enfant qui espère l'impossible. « Quelqu'un dans Paris ne va-t-il pas crier enfin « France, France !» On ne représente plus cette pièce, qui contient des allusions trop sévères au parti dont le nom vague et vide s'est substitué au nom de la France. Nous n'avons pas à raconter la vie de cet infortuné prince qui avait été un chevalier. Dieu frappait, la main de Charles VI ne pouvait pas tenir le pouvoir que se disputaient Philippe de Bourgogne et Louis d'Orléans. Après la mort de Philippe, son fils, Jean sans peur, se débarrassa de Louis d'Orléans par l'assassinat et saisit la régence. Mais Bernard d'Armagnac, beau-père du fils de la victime, se présente en vengeur et déclare sous le talon de l'ennemi cette honteuse guerre civile dont les Ajax sont des bouchers, des écorcheurs, des bourreaux, Caboche, Jean de Troyes, Capeluche, et dont le nerf est l'or des Anglais. Ce fut Armagnac qui appela Henri IV, le premier Lancastre, tout frais et moulu de l'assassinat de Richard II. Dieu frappait. Jean sans peur, bénéficiant de cette trahison, eut d'abord le dessus dans Paris, mais ses cabochiens y pétrirent une boue si rouge que Paris, habitué déjà à tout supporter en fait d'excès, se fâcha et ouvrit ses portes aux Armagnacs dont les déportements firent bientôt regretter Bourgogne. Cependant Henri IV avait eu assez à faire chez lui pour ne pouvoir profiter de notre agonie. Mais son fils Henri V fit sa paix avec le clergé anglais et eut ainsi les mains libres pour procéder à l'enterrement définitif de cet éternel ennemi d'Albion, la nation des Francs qui s'était vantée d'être la fille aînée de Saint-Pierre et le peuple de Dieu. Henri V, à la tête d'une puissante armée, prit terre à Harfleur et se dirigea vers l'Artois, où ses paysans et ses archers gallois rencontrèrent le dernier banc de la chevalerie dans les champs labourés d'Azincourt. La terre, détrempée par une pluie d'octobre 1415, embourba les hommes d'acier et leurs chevaux bardés de fer de telle sorte qu'ils paraissaient enchantés ou morts dans leurs armures. C'était la troisième fois que les chevaliers et les francs tombaient. Dieu frappait. Henri, étonné lui-même de cette prodigieuse victoire, donna trêve, ce qui ne soulagea point Paris, mais permit aux factions de s'y combattre à coups d'égorgements et de trahisons. Les Armagnacs, en ce moment, se groupaient autour du roi. La monstrueuse Isabeau appela Jean sans peur, à qui Périnet Leclerc livra la ville. Tanguy du Châtel, un breton de la Fournée des Duguesclin et des Clisson, couvrit de son corps le dauphin, depuis Charles VII, et le sauva au milieu d'un épouvantable massacre. Jean sans peur était dès lors d'accord avec les Anglais, mais le patriotisme du peuple de Paris le contraignit à accepter l'entrevue du pont de Montereau, où se devait discuter le pacte de la défense commune. La France voulait renaître. À Montereau, Jean sans peur subit la peine du talion. Sa mort violente y paya le meurtre de Louis d'Orléans. Dieu frappait, car la chute même de ce mauvais homme fut un malheur public, en donnant prétexte à Isabeau de parfaire la vente du royaume de France par le traité de Troyes. Et toutes choses et tous hommes étaient tombés si bas qu'il se trouva dans les États une majorité pour sanctionner cet ignominieux contrat où l'impudeur des traîtres achetés faisait parler ainsi le roi fou. Est accordé que tantôt après notre trépas, la couronne et royaume de France demeureront et seront perpétuellement à notre fils, le roi Henri, et à ses voirs. Considérez les horribles et énormes crimes et délits perpétrés aux dix royaumes de France par Charles, soi-disant dauphin de Viennois, il est accordé que nous, notre dit fils le roi Henri, et aussi notre très cher fils Philippe, duc de Bourgogne, ne traiterons aucunement de paix ni de concorde avec le dit Charles. Michelet a caractérisé ainsi le traité de Troyes. Isabeau se fit payer comptant le mot honteux, soi-disant dauphin, 2000 francs par mois. À ce prix, elle renia son fils et livra sa fille. La France en était là, en 1420, 9 ans après le moment où Robert Jolivet avait pris la crosse de Saint-Michel, en remplacement du bon et grand abbé Pierre Leroy. Au Mont, nous n'avons pas encore vu de traître. Originaire du diocèse de Coutances, Robert avait étudié le droit à Paris. Ce fut là peut-être l'origine de son penchant à suivre les lignes non droites que les gens de loi choisissent parfois comme étant les plus courtes. Quand Pierre Leroy fut appelé dans les conseils de Charles VI, puis envoyé en ambassade, Robert occupa dans sa maison un poste intime. Le grand abbé avait pour lui une paternelle affection, mais à peine fut-il mort que Robert, sans laisser à ses restes le temps de refroidir, courut demander sa dépouille au pape et l'obtint. Un manuscrit de la bibliothèque d'Avranches a conservé la note de ses dépenses de solliciteur. Le chroniqueur des curieuses recherches le montre arrivant au Mont, muni de ses bulles et porteur de 4000 écus d'or légués par le défunt abbé à la communauté. Il presse l'élection et est-ce-le, unanimement, par permission divine, car s'ils en eussent, est-ce-le un autre, comme est-ce-toi, homme subtil, il y eusses-tu grande querelle et procès. Cependant, les 4000 écus d'or furent employés fastueusement, mais honnêtement. Robert entreprit même de bons travaux d'administrateur, et cela l'occupa un temps. Mais pour le moine, il n'y a qu'une vraie attache, la piété. Robert n'en avait pas. Un jour de loisir, il regarda au dehors et vit que les événements marchaient avec une rapidité menaçante. L'idée lui vint aussitôt de les suivre de près et d'en profiter. Le lendemain, il était en route pour la cour de Paris, où cet homme subtil trouva moyen de vivre en grand seigneur et non en pauvre moine qui a renoncé au monde. Ce fut de là qu'il envoya à ses religieux un ange doré, destiné à porter les pignora sacra, venus autrefois du mont Gargan. Vers la même époque, 1413, le mont reçut une autre offrande bien autrement significative, car Saint-Michel se détournait de ses abbés indignes ou inutiles pour regarder du côté des capitaines qui allaient désormais combattre le grand combat à la tête de ces vaillants moines. On n'a pas oublié ce Godefroy d'Harcourt qui, sous Philippe de Valois, avait introduit les Anglais en Normandie par vengeance. En 1415, un autre d'Harcourt, illustre celui-là, et que nous retrouverons bientôt dans sa gloire, donna au sanctuaire une figure représentant le très heureux Michel, et pesant 76 marques d'argent fin. L'archange prenait possession de son lieu, mettant sa droiture toujours présente à la place des habiletés qui fuyaient. Robert Jolivet eut pourtant un mouvement passager de repentir. Il revint au Mont après la bataille d'Azincourt. Henri V avait réussi à former un parti anglais considérable, composé de ces gens toujours en si grand nombre, qui ont pour règle de conduite la bonne entente de leur intérêt personnel. sa faction était presque maîtresse en Normandie. Peut-être Robert Jolivet, en ce temps-là, 1417, ne savait-il pas bien encore s'il se vendrait tout à fait aux Anglais ou s'il resterait ménageant les deux parties comme il l'avait fait jusqu'alors. Le fait certain, c'est que ce très singulier personnage se comporta pendant tout le temps de sa résidence en français fidèle et en digne abbé. Pierre de la Porte avait rendu le monastère même imprenable. Robert fit de même pour la ville qui pendait alentour. On lui attribue l'élargissement de l'enceinte du côté qui regarde Avranches et la majeure partie de l'enceinte crénelée avec mâchicoulis et parapet découverts. Il transporta aussi au midi l'entrée unique qui s'ouvrait vers l'est et construisit la grande citerne. Mais un jour arriva la nouvelle du désastreux traité de Troyes qui semblait ruiner les dernières espérances de la monarchie française. Aussitôt, Robert Jolivet partit comme on s'évade et vint droit à Paris où il se vendit purement et simplement aux Anglais 24 fois moins cher que la reine Isabeau, c'est-à-dire pour une pension annuelle de 1000 livres. Pour ne pas charger nos pages de citations toujours les mêmes, je veux indiquer d'avance les deux sources principales où j'ai puisé les faits de guerre qui vont suivre. C'est d'abord le manuscrit numéro 5696 de la Bibliothèque nationale, probablement montois et contemporain des sièges. Ce sont ensuite les trois volumes de la même bibliothèque, numéro 9436-4, 9436-5 et 9436-6, contenant les comptes de Pierre Sureau ou Suireau, receveur général de Normandie pour le roi Henri V. En outre, je dois à M. V. Jacques communication de très nombreuses pièces de l'époque, transcrites par lui aux archives de la Manche et inédites, sinon tout à fait inconnues. Les moines apprirent bientôt, avec indignation, la trahison de leur abbé. Mais loin de perdre courage, ils poussèrent un cri vers l'archange et se vouèrent plus étroitement à la patrie expirante. Le souffle national qui manqua chez nous si tristement alors, comme il a manqué en un temps beaucoup plus récent, était là. Ils s'assemblèrent et nommèrent vicaire général leur prieur conventuel Jean Gonod pour exercer l'autorité en l'absence du supérieur. Le souverain pontife approuva et confirma. Le moment était terrible. Henri de Lancastre continuait l'œuvre de sa conquête qui montait comme un flux. Les campagnes, tout d'abord submergées, avaient laissé longtemps les villes au-dessus de l'inondation, puis le niveau envahisseur s'élevant toujours, les villes avaient été noyées. Caen n'avait pas résisté, Saint-Lô s'était rendu, Coutances aussi, Avranches avait combattu, mais en vain, et Pontorson, la vieille citadelle de Duguesclin, venait de tomber. Enfin, Tomblaine était devenue une forteresse inexpugnable sur laquelle le drapeau anglais flottait comme partout. D'Argentrée explique comment les défenseurs du monastère avaient assisté impuissants aux travaux anglais. C'était à cause que le fleuve de Couesnon, ayant changé son cours ordinaire, se joignait au fleuve de Genet, Célune et Cé pour passer en un lit profond au-devant de Tomblaine, tellement que ces rivières unies empêchoient la garnison de ce mont d'aller donner l'assaut à ceux qui, à leur vue, se fortifioient pour après les battre. Dans leur extrémité, les moines se souvinrent de cet homme puissant qui avait fait offrande au sanctuaire d'une figure de l'archange pesant 76 marques d'argent. C'était Jean VIII d'Harcourt, comte d'Aumale, neveu du roi Charles VI à la mode de Bretagne, et si dévot au patron de la France que sa devise portait « Autre aide n'est que Saint Michael ». Aduitur meus nisi Michael. 2. Jean VIII d'Harcourt, lieutenant général pour le roi S-Province de Normandie, d'Anjou, de Touraine et du Maine, avait été fidèle à Charles VI jusqu'au traité de Troyes, et après le traité, il resta fidèle au dauphin. Il accepta avec joie et respect la charge de défendre le Mont-Saint-Michel, lui, revêtu de dignité si haute, comme simple capitaine suppléant du vrai capitaine né, l'abbé, qui n'était pas à son devoir. Il fit cela simplement et vint à travers les Anglais jusqu'au monastère pour passer avec les religieux un accord ou traité qui est encore aujourd'hui conservé aux archives de la Manche et dans lequel il est dit que les religieux du Mont Saint-Michel requièrent estre pourvu par Holt et puissant prince, Monseigneur le comte d'Aubemale, pour le bien du roi et aussi pour la sûreté de la forteresse, abbaye et ville, afin que les religieux puissent tous jours et continuellement faire le divin service de nuit et de jour, ainsi que tenus et obligés y sont. C'est là le principal du contrat, la sauvegarde du Laos Pérennis, arme enchantée de la prière. Ces reclus savaient ce qu'ils faisaient, comme Moïse sur la montagne, tenant ses bras élevés vers le ciel et criant à Dieu pendant que Josué, dans la plaine, combattait les Amalécites avec l'épée. Beaucoup de gens disent « ce fut l'épée de Josué qui vainquit, et non point le cri de Moïse ». D'autres ajoutent « quand l'ennemi menace aux portes, les bras paresseux qui se tendent vers le ciel feraient mieux de manier le fer ». Il ne faut point s'irriter contre ceux qui méconnaissent la toute-puissance de Dieu, mais les plaindre du profond de nos cœurs. Nous avons eu, au milieu d'un deuil immense et tout récent, deux forteresses qui ont porté très haut le drapeau de la patrie et qui l'ont porté jusqu'au bout. L'ennemi ne les a pas prises, Moïse cependant n'était pas là au-dessus de Josué. Qu'ont-elles gardé ces citadelles? Rien. Il faut Moïse. Le Mont Saint-Michel, plus petit que l'admirable Beffort, plus petit même que Beach, la Glorieuse, dont on parle moins parce que nous l'avons abandonné, le Mont Saint-Michel, suprême épave d'un désastre bien autrement complet que notre défaite de 1870, après laquelle une grande moitié de la France nous restait, se garda lui-même et garda tout. Il avait Moïse et plus que Moïse. Il avait celui qui apparut à Moïse et qui est le vainqueur éternel de Satan. Je le répète, les bons moines savaient tout cela, et la pieuse, la patriotique naïveté de leur traité stipulait surtout en faveur de la prière, arme supérieure, quoiqu'ils dussent manier aussi bientôt à l'occasion et d'un rude bras l'arme d'acier. Jean d'Harcourt signa cet accord et s'occupa aussitôt avec Jean Gonod d'organiser le service de la place. Il n'y avait pas eu encore d'attaque proprement dite, mais l'ennemi était partout, aux environs, et à chaque instant, une surprise pouvait être tentée. Le capitaine se réserva la police des gendarmes et Jean Gonod, celle des moines. On fit le partage des clés, la garnison fut casernée, partie au Châtelet, partie à la Tour Périne, et le reste dans le manoir du Fenil au bas de l'abbaye, où est maintenant l'orphelinat. Ces précautions prises, le pied de guerre fut établi et la porte close. Le comte d'Aumale sortit aussitôt du mont pour tenir la campagne et se rendre à Poitiers auprès du dauphin Charles. Il était bien entendu que le gouverneur de quatre provinces ne pouvait s'enfermer dans la forteresse à moins d'extrême nécessité. Quelques jours plus tard, 27 mai 1420, Jean d'Harcourt fit courir partout où la voix de la France pouvait encore arriver, une proclamation où il était dit que, pour obvier à la malice damnable des Anglois, lesquels ont par plusieurs fois et divers moyens essayé à entrer, abbaye, ville et forteresse du Mont Saint-Michel, nous y sommes venus, c'est Jean d'Harcourt qui parle, et moyennant la grâce de notre Seigneur Dieu, y maintiendront la bonne obéissance. Cette pièce signée par le sire d'Osbosque, Robert d'Estouteville, Jean d'Annebault, le baron des Billards et Colin Boucan semble destinée à faire connaître aux populations l'inaltérable loyauté des religieux qui sont les vrais et seuls ministres autorisés du patron de la France. On peut inférer de sa teneur que diverses attaques avaient déjà été dirigées contre le mont. Le gentil dauphin était à Poitiers. Les nouvelles de l'archange que lui apportait le comte d'Aumale lui relevèrent le cœur et l'on doit leur attribuer les lettres patentes du 23 juin 1420 qui sont une page mélancolique et belle de notre histoire. Le dauphin s'y dénommait Charles, fils du roi de France, régeant le royaume, et y disait « Comme les Anglois, anciens ennemis de Monseigneur, le roi, et les Nostres occupent presque tout le pays et duchier de Normandie et plusieurs parties de ce royaume, et s'efforcent d'avoir la seigneurie de mon dit Seigneur, lequel leur a été livré par aucun tract, ses subjets corrompus par don, savoir faisons que nous confions à plein de nos très chers et amés cousins, le duc d'Alençon, seigneur de Fougères et Jehan de Harcourt, comte d'Aubemale, avons aujourd'hui fait, ordonné et établi, ici nos lieutenants et capitaines généraux au duché de Normandie pour y représenter notre personne. » Ces lettres, qui semblent plutôt borner que grandir les pouvoirs de Jehan d'Harcourt, déjà lieutenant de roi dans toutes les provinces de l'Ouest, sous-entendaient ce qu'elles ne voulaient point dire à l'ennemi. Elles étaient une nouvelle direction donnée et allaient mettre fin au terrible système de temporisation pratiqué par Henri V, qui tuait la France à coup sûr rien qu'en mettant ses Anglais à manger dessus comme chenilles sur arbre. Une dépopulation effrayante avait lieu. Outre les famines et contagions, il y avait l'émigration. Plus de 25 000 familles s'étaient déjà réfugiées en Bretagne, où selon Dom Maurice, la tranquillité publique fut troublée par ses hôtes trop nombreux. Ce fut le Breton Olivier de Mauny qui prit la garde effective du Mont pendant que Jehan d'Harcourt devait mener les opérations projetées en campagne sur une ligne étendue de la côte normande au pays poitevin, mais coupée en bien des endroits par l'ennemi. L'armée destinée à cette guerre n'était même pas en état de formation. On comptait sur le soulèvement des masses et il semblait qu'on n'avait nulle raison d'y compter. En somme, le seul point stratégique vraiment important était le Mont-Saint-Michel. Aussi Olivier de Mauny reçut-il ordre d'en compléter la garnison comme si l'assaut eût été imminent. Voici la revue de cette garnison telle que nous la trouvons dans un document authentique. 3 chevaliers bannerets, 7 chevaliers bacheliers, 22 écuyers, 22 archers, en tout 54 combattants sans compter les moines et la garde de Saint-Michel soudoyée par les moines. On voit Mauny, avec un si faible contingent, obéir à Jehan d'Harcourt, qui lui ordonnait d'imposer les villes, forteresses et paroisses des marches du Mont, usurpées et occupées par les Anglais. Cette tentative ne pouvait amener en abondance le nerf de la guerre qui manquait, mais les moines ne se lassaient point d'être généreux, et les archives de la Manche, qui ne marquent pas tout, accusent plus de 60 000 livres qu'il faut au moins doubler pour avoir le vrai chiffre des dons patriotiques de la communauté. Henri d'Angleterre était homme à trouver ce trait d'esprit barbare qu'on a mis dans la bouche d'un vainqueur de notre temps, disant qu'il laisserait Paris cuire dans son jus. Il fallut une circonstance fortuite pour mettre hors de leur trou toutes ces taupes anglaises terrées autour du Mont-Saint-Michel. Le 20 septembre 1421, le chevet de la basilique s'affaissa avec un fracas épouvantable, entraînant dans sa chute les chapelles rayonnantes du chœur. L'église Saint-Michel du Mont, depuis la tour en amont, tout à coup en ruine vint, l'an 1401 et 20. Personne n'a dit que les Anglais avaient été pour quelque chose dans ce désastre, mais il est certain qu'ils en furent prévenus comme par enchantement. Une nuée d'hommes d'armes, sortis on ne sait d'où, entoura les murailles, pensant donner l'assaut aisément à la faveur de la consternation qui devait régner à l'intérieur. Mais depuis la fondation de l'œuvre de Saint-Aubert, jamais le deuil n'y avait arrêté l'effort. Les taupes malmenées se terrèrent de nouveau, et Henri V en eut grand courroux à Vincennes, où il souffrait déjà de l'horrible mal qui allait l'emporter. Le gentil dauphin, au contraire, s'en est joui du fond de sa misère royale. Henri V mourut à 34 ans, sur le lit d'atroces douleurs où le clouait le feu Saint-Antoine. Il apprit qu'un fils venait de lui naître à Windsor. Au lieu d'en témoigner de la joie, on dit qu'il s'écria, prophétisant la décadence de sa race, « Henri Quint aura régné peu et conquis beaucoup. Henri VI règnera longtemps et perdra tout. » Un ermite lui avait jeté peu de temps auparavant cette mystérieuse menace dont il restait frappé. « Roi, Dieu ordonne que tu te désistes de tourmenter son chrétien peuple de France, sinon ton temps sera court. » cette aventure est un trait de ressemblance entre lui et sa victime, Charles VI, qui le suivit de bien près au tombeau. Charles VII prit le titre de roi, et la dérision publique où il y avait de la pitié l'appelait le roi de Bourges. Ce faible et dernier espoir de la France faillit s'évanouir, écrasé sous la chute d'une demi-lune à La Rochelle. Une pierre, notamment, lui tomba sur la tête. Incontinent, il envoya cette pierre en ce mont, persuadé que la protection de Saint-Michel avait gardé ce chef qui était, selon un autre chroniqueur, pour porter la couronne de France. La pierre de La Rochelle resta jusqu'à la Révolution suspendue à la voûte de la basilique où le républicain Lavallée la remarqua en 1793. Vers ce temps-là, l'occasion cherchée de frapper un coup d'éclat qui releva les esprits se présenta et fut saisie par Jean d'Harcourt avec ardeur. À la fin de l'été, en cette année 1422, ces espions l'avisèrent qu'une troupe de 2500 ou 3000 Anglais, gorgés de butin, rentrait en Normandie après avoir saccagé l'Anjou et le Maine. Aussitôt, Jean d'Harcourt, alors en Touraine, envoya des ordres pour concentrer les débris de ses compagnies et leur donna rendez-vous à Laval. Laval se trouvait sur le passage des Anglais et faisait partie de cette ligne de communication qu'on espérait établir entre le mont Saint-Michel et le centre de la France. Conseil y fut tenu, dans lequel on prit la résolution de couper le parti ennemi. Le lendemain, qui était un dimanche, placé entre le 29 septembre, fête de l'archange, et le 14 novembre, anniversaire de son apparition à Saint-Aubert, Jean d'Harcourt se porta au petit village de la Broussinière, non loin de la Gravelle, sur la marche de Bretagne. Il s'était mis à la tête de ses gens de pied, et devait attendre en bataille pendant que le Breton Louis de Trémargan et Ambroise de Lauré, avec 160 lances, iraient à l'ennemi pour le harceler et l'attirer. Que nul ne dédaigne cette escarmouche qui ne commença pas encore peut-être le grand relèvement national, mais qui en fut un symptôme avant-coureur, car elle fit battre à nouveau pendant bien des jours le cœur perclus de la patrie. Une réserve était formée par la compagnie de Jean de La Haye, baron de Coulons, serviteur de Saint-Michel. Vers 8 heures du matin, les Anglais furent en vue sur la route du Maine. Ils allaient en belle ordonnance, chassant devant eux les lances de Trémargan, et ne voyant ni les gens de pied du comte d'Aumale, ni la réserve de Jean de La Haye. À la distance d'un trait d'arc seulement, ils connurent l'embuscade et prirent position de défense, plantant au-devant de leur front les pieux ferrés qu'ils portaient toujours en abondance pour former chevaux de frise et rompre le choc des cavaliers. Mais de cette fois, cela ne leur devait point réussir. Les gens de pied d'Harcourt, marchant sous la devise qui ne voulait autre aide sinon Saint-Michel, tournèrent la palissade improvisée et chargèrent avec une telle furie que 1400 Anglais demeurèrent sur la place à ce premier choc et furent faits enterrer par le héros d'Alençon. Ensuite de quoi, 300 furent tués en fuyant par les gendarmes, et d'autres ci et là, car n'en échappa presque aucun, à l'exception de 100 prisonniers. Parmi les captifs était le chef anglais, Alexandre de la Pole, frère cadet du comte de Suffolk, Thomas Bourg, ou Borrow, Thomas Clifton, et 18 nobles hommes qui payèrent une très forte rançon. Dans l'histoire, ce combat porte le nom de la Gravelle. Il eut lieu où nous l'avons dit. Jean d'Harcourt était un vrai homme de guerre. Il poursuivit son avantage et se dirigea à marche forcée sur Avranches, la principale entre les citadelles qui faisaient le blocus du mont. Jean de la Pole, autre frère de Suffolk, tenait la place et sortit au-devant des Français à la tête de sa forte garnison. Les écrivains du temps ne disent pas où la rencontre eut lieu, on sait seulement que La Pole fut battu et pris. Malgré la perte de leur chef, les Anglais d'Avranches résistèrent très vaillamment derrière les murailles, et le duc de Bedford eut le temps de leur envoyer du secours, ce qui força Jean d'Harcourt à faire retraite, en laissant derrière lui Robert d'Estouteville pour tenir la campagne avec le mont Saint-Michel pour refuge et base d'opération.